Sixième chapitre. Le culte de la mort. Novembre inaugure la série des mises des mois noirs, et le ciel, tout gros de larmes, commence de pleurer, pleurer sur les pauvres morts couchés dans la glèbe, d'un bord à l'autre du pays de la fin des terres. Alors, les paysans bretons, reposés des travaux de l'été qui les ont distraits de leur piété, songent au trépassé. Le soleil s'est caché jusqu'au printemps. La douce nuit poétique de l'hiver armoricain commence d'obscurcir les champs des vivants et les champs des morts. Revêtus d'habits couleur des tristes nuées, les pères, les mères et leurs enfants vont fêter la Toussaint et les ancêtres. La Bretagne est la terre du souvenir. Émergé le premier des océans, son sol est le plus vieux du monde. Aussi, les armoricains, en se retournant vers le passé, sont accablés par la suite incommensurable des siècles. Jadis, les Celtes, prédécesseurs des Bretons insulaires, ont semé le territoire de dolmen, de menhirs, de tumulus, ces premières tombes colossales à n'en point douter aujourd'hui. Les Cornouaillais d'Angleterre et les Irlandais, lorsqu'ils vinrent peupler l'Armor, trouvèrent ces marques du respect aux aïeux plantés formidablement dans la lande, et ils vénérèrent ces pierres par lesquelles les premiers hommes perpétuaient leurs images géantes dans la pensée de leurs descendants. Le culte de la mort, tel qu'il se pratique en Bretagne, est un fait unique en France. Sans doute, au Moyen-Âge, les ossuaires et les chapelles funéraires furent connus, mais jamais autant qu'en Arvor, on eut une si haute idée du culte dû aux morts. Dans le Finistère, un arc de triomphe recevait au seuil du cimetière le trépassé, qu'un tombeau durable, de lourd granit gravé, indiquait ensuite. Plus tard, une chapelle reliquaire richement ornée couvrait les eaux de sa protection auguste. Ernest Renan, qui est né dans le Trégorois, où la vénération pour les disparus fut élevée à la hauteur d'une religion particulière, aimait à répéter que le culte des ancêtres était la loi des hommes de progrès. Il est du reste facile de constater que le respect aux ancêtres n'a pas nuit au développement intellectuel de cette population, la plus intelligente de l'Armorique. Il était une coutume touchante autrefois, le cimetière comptant à éloigner de nos jours pour le rejeter assez loin dans les faubourgs, était toujours placé autour de l'église et les maisons notables du village formaient la ronde autour de son enceinte. Les ancêtres restaient ainsi sous les yeux et présents dans les cœurs. Ils vivaient presque de l'existence familière du village, bercé de tintements de cloches, de chants liturgiques, de bruits de carrioles, de chocs d'outils, d'appels, de rires ou de pleurs, de toute la vie enfin, et leurs descendants gardaient un souvenir éveillé à ces défunts qui les entendaient, les voyaient, les jugeaient, les attendaient. Parcourez les paroisses rurales du Morbihan, du Finistère, des côtes du Nord, toujours vous trouverez cette immuable disposition qui faisait converger les regards vers l'église avec ses trépassés. La tendresse est une nécessité harmonieuse pour cette race triste, comme son ciel hivernal, mais pleine de rêves à l'image de ses nuées subtiles, voiles de crêpes épandues sur un au-delà qui s'agite, remue et souffre. Quand les apôtres irlandais vinrent évangéliser les Celtes, ces sauvages sentimentaux, ils spiritualisèrent en eux leur religion aux défunts et apportèrent, avec le trouble des enfers, des espérances de jardins de paradis remplis de buissons blancs et d'oiseaux chanteurs qu'on écoute sans se lasser jamais. La mort devint alors une douceur et l'on créa des allées fleuries pour y coucher les morts à l'ombre des croix. Une première visite à ces jardins pour les trépasser émeut singulièrement. Ici, rien de la froide ordonnance des nécropoles. Pas d'avenue rectiligne, mais un verger imprévu avec des pommiers, des cascades de plantes, des ruissellements de corolles multicolores, des élans d'arbustes, de rosiers grimpants et de toutes les essences qu'une piété attendrie sema comme des regrets parfumés sur la terre. On n'y aperçoit guère la pierre dure et froide comme des eaux. Nos pères aimaient à s'entourer de ce plus grand charme, les fleurs, et associer l'éphémère à l'éternel. Avaient-ils tort de préférer les roses aux quincailleries vernies, tournées en couronne économique qu'on accroche aujourd'hui au mausolée? Toute la délicatesse et l'infini qui sont dans la mort ne s'accommodaient-ils pas mieux de ces jardins un peu aventureux où l'attention de chaque famille semait des graines disparates afin de vêtir d'un manteau de gloire les pauvres paysans? Des touristes superficiels ont pu croire à l'irrespect lorsqu'ils ont vu, à la sortie des messes, des familles s'asseoir sur les tombes ou deviser de leurs affaires dans ce lieu sacré. N'est-ce pas là qu'en Bretagne, après les offices, le crieur public annonce les ventes et contre son muret d'enceinte que les marchands montent leurs tréteaux? Il n'est pas exagéré de dire que les actes importants de la vie paysanne tiennent leurs assises près du cimetière et que si les morts ont des yeux, ils voient tout et s'ils ont des oreilles, ils entendent tout. Comment, dans ces conditions, nos bonnes gens ne se familiariseraient-ils pas avec l'idée du trépas? Ils s'assoient donc sur les pierres tombales et, obscurément, les yeux dans l'infini, ils goûteront l'amer plaisir de rêver quelquefois à leur propre fin. Je citerai parmi les cimetières jardins m'ayant frappé par leur caractère de profonde intimité l'humble petit champ de Bourg-Paul en surplomb sur une colline qui lui permet de voir cet horizon qui soupire, la mer, tandis qu'au premier plan, les chaumines d'or fument vers le ciel. Lorsqu'on remonte vers le nord et les brumes de la Manche, la pierre reparaît et domine au pays de Léon. Là, le culte aux ancêtres revêt une forme exclusive et âpre, et à Saint-Égonnec, par exemple, on marche sur les tombes enchâssées à fleurs de sol. Il ne faut pas oublier qu'une chapelle pour les morts, merveille de grâce, et un arc de triomphe afin qu'ils entrent glorieusement dans l'éternité, ont été élevés en leur honneur dans cette paroisse. La caractéristique des cimetières morbihanais, c'est leur bohémie souriante, leur laisser aller parmi les plantes, les herbes et les arbres. J'ai vu celui de Guéhenau et son vieil ossuaire de pierres ocrées et verdies, éclairé par la fraîche lumière de l'aube. En arrière du reliquaire, des fougères géantes et des genêts envahissent ce cimetière campagnard, redevenu champ et bois avec ses chênes et ses ormeaux. Le soleil fait briller le toit d'ardoises argentées, dominé par les trois croix à personnages habillés de lichen en vieil or. À droite et face aux tombes, une petite porte flamboyante, accostée d'un contrefort, supporte une vierge chenue et blanche, au geste naïf sous la couronne des reines. Autour du cimetière et contre le muret bas, les sillons viennent déferler, et des prés, des lacs de froment et de sarrasin ondulent autour du repos définitif. Quelquefois même, les pommiers sautent par-dessus le mur, comme à Bilio, et des vergers titubants sous les fruits extravaguent parmi les tombes. À Saint-Géran, l'ossuaire est envahi, pris d'assaut par de grands arbres fruitiers, et les pommes rebondies viennent trembler au-dessus des chefs des trépassés, empilés dans cette sorte de cellier à barreaux. Le cimetière verger n'est pas une exception, et un peu partout les pommes ou les poires en sont recueillies et converties en cidre excellent. Quelquefois, comme à Neuillac, l'ossuaire au milieu des tombes affecte la forme d'un édicule champêtre à la manière du XVIIe siècle et tel que les seigneurs en bâtissaient dans leur parc afin de s'y récréer galamment. Le lierre, la clématite, le chèvrefeuille, la glycine vêtent les murs de ces maisonnettes chapeautées de toits ornés de moulages de plomb et rien n'est plus aimable qu'un tel séjour pour y déposer les crânes, les tibias et les fémurs. Et cependant, au fond de cet appareil souriant de la mort, des histoires terribles s'évoquent, car les trépassés ne sont point des fantômes silencieux, mais ils ont emporté dans l'au-delà leurs passions exacerbées, leur haine, et ils se manifestent à leurs descendants terrifiés. La majorité des Bretons pensent qu'on ne meurt pas complètement et que les trépassés peuvent agir matériellement, qu'ils souffrent et que bien peu méritent les béatitudes éternelles. À ce titre, nous donnerons la traduction d'une vieille complainte bretonne sur la fête de la Toussaint, recueillie dans le Morbihan et à peu près inconnue. L'après-midi jusqu'au soir, les cloches n'ont cessé de sonner pour les âmes des morts. Les glas funèbres tristement disaient « Parents, amis, ne nous oubliez pas. Secourez-nous, nos peines sont si grandes. » Là-bas, dans un village à la campagne, une famille agenouillée devant la croix disait une dernière prière pour les âmes. Dans un coin de la maison, Louison, la servante, est bien triste. Elle soupire, elle a perdu son père et sa mère. Si j'avais autant d'argent que de piété pour mon père et ma mère, je ferais dire une messe. Le chef de famille a entendu et il dit à Louison, « Je vous offre des gages de 100 écus d'or jaune pour votre peine si vous allez à minuit prier sur la tombe des morts. Après avoir prié, vous prendrez dans l'ossuaire les ossements d'un mort. Ces ossements en témoignage, vous les rapporterez à la maison. » Louison a tremblé, puis elle a fait le signe de la croix et, toute seule, elle est partie dans la nuit noire. Elle écoute et là-bas sur le chemin, elle entend le bruit de la charrette des morts. La pauvre Louison tremble de frayeur. Elle tombe à genoux. Les coups de minuit résonnent dans son cœur comme des glas. Les yeux inondés de larmes, une heure entière, elle a prié pour les âmes du purgatoire. Avant de quitter la terre sacrée des morts, elle s'avance vers l'ossuaire. Aux merveilles! Il est environné d'une éblouissante clarté, et chaque relique crie « Prends-moi, mes souffrances sont horribles, je n'ai ni parents ni amis pour donner à mon âme l'aumône d'une goutte d'eau bénite. » Louison tremble, étend la main, saisit un bras tout rongé par le temps. Sans peur, elle court à son village, l'os à la main flamboie comme un cierge, et des ailes bruissent autour d'elle, et des voix disent « Merci !» Avec les écus d'or jaune, Louison fait dire des messes, et c'est par centaines qu'elle envoie des âmes au ciel. Pour hâter leur délivrance, récitons ensemble un De Profundis. Anatole Lebras, dans la légende de la mort, d'un intérêt saisissant, a écrit l'histoire complète des superstitions funèbres. Les légendes les plus épouvantables y sont reproduites. Dans le pays gallo, il n'est pas un journalier qui ne sache un ou plusieurs contes funèbres. Que dis-je, contes ? Je devrais dire histoire vraie, car les conteurs ont vu et entendu ce qu'ils rapportent. Une paysanne des environs de Pontivy m'affirmait, l'an dernier, l'étrange aventure arrivée au recteur de Bubry, un de ces prêtres modernes style, qui veulent rompre avec la tradition. Il avait ordonné aux fossoyeurs d'enterrer les crânes offerts dans leur petite chapelle de bois à la vénération des parents. Pêle-mêle, ils furent inhumés dans une fosse. Mais la nuit suivante, ils s'évadèrent et reprirent leur place à l'ossuaire. Plus de 100 personnes affirment ce fait véridique. Il est des pauvres gens qui ne dorment pas dans la terre de leur village, mais à qui la piété vigilante de leurs proches élève les monuments du souvenir avec des simulacres de tombes larges comme les deux mains. Nous voulons parler des marins disparus en mer, dans des endroits ou des gouffres qui ne les rendront jamais. De Paimpol à Saint-Malo, les cimetières de la côte sont pleins d'épouvantes, car il n'en est aucun qui ne contienne une ou plusieurs rangées de tombes fictives, menuiseries creuses, posées à même un sol non remué. Des inscriptions renseignent sur la triste aventure. Un navire ou une barque de pêche ont sombré, dont pas même une planche n'est venue apporter le témoignage du désastre. Parmi ces cimetières des marins, il en est un douloureusement célèbre, celui des Islandais à Ploubalanec, un village campé sur une falaise à l'orée de la baie de Paimpol. Là, dans un pays vert et or, chatoyant d'ajoncs, de bruyères et de sapinières, dans une contrée qu'on dirait pleine de bonheur, mais dont l'apparence ment, car la terre est dure et le roc mauvais, les hommes jusqu'aux enfants partent chaque année pour Islande et meurent là-bas de froid, de mauvaise nourriture, de chagrin, de fatigue, de douleur dans la nuit éternelle. Pauvres gens qui s'expatrient et se livrent à un métier horrible pour un salaire dérisoire, mais un gain fréquent, la noyade dans une eau glacée. En 1901, trois navires ont disparu corps et biens, suivant la sinistre expression. La formule de ces simulacres est toujours pareille. Parfois enchâssés dans une menuiserie identique, vous pourrez lire trois fois répété « En mémoire de Gilles Brézélec, 17 ans, décédé à Islande. »« En mémoire de Jean-Marie Brézélec, 16 ans, décédé à Islande. » En mémoire de Yves Brézélec, 37 ans, décédé à Islande, priez Dieu pour eux. Concision poignante et plus éloquente que des discours. À Kériti, dans un cimetière d'Islandais, au fond de la rade de Paimpol, 20 noms, le capitaine en tête, indique la noyade générale d'une goélette dont on n'a jamais plus entendu parler, mais qu'on estime couler avec son équipage au large des fjords blancs. Les chefs des paysans de Kériti s'entassent au contraire dans un désordre charmant et l'ossuaire trop étroit voit déborder leurs eaux. Lorsque j'ai poussé la porte de cet édicule, j'ai senti craquer des têtes tombées de leurs petites boîtes et qui roulaient jusqu'à mes pieds. Par contraste, les tombes récentes entourées de barrières blanches avec un petit banc fraîchement peint pour s'agenouiller, une croix bien menuisée et des fleurs soignées reposent le regard attristé. Le grand Jan Gaos, le héros de pêcheurs d'Islande de Loti, est ainsi enterré à Ploubalanec, car le sort ironique qui se moque des gens réserva un repos terrien à ce beau marin. Il était en effet si beau que les femmes de Paimpol à Port-Zeven ne l'appelaient que l'homme, comme si lui seul, par sa force et sa douceur, méritait ce titre par-dessus les milliers d'Islandais, ses frères. Voici quelques années après déjeuner, il sortit en barque, chavira et, pris d'une congestion, mourut noyé sous les yeux de ses parents accourus. La mère l'avait pris, mais elle le rendit, et sa fosse est entretenue avec un soin pieux. Près de lui reposent son père et le petit Sylvestre. Anankou, nom du génie de la mort chez les Bretons, est devenu par extension Anankou, la mort personnifiée, agissante, car les Celtes de l'Irlande, de la Cornwall anglaise ou de la Bretagne armoricaine imaginent qu'après le décès, l'homme subit un jugement immédiat et particulier devant Dieu, qui le renvoie ensuite à son corps, dont il peut sortir à volonté. Dans beaucoup de villages, on pense que le dernier trépassé de l'année est promu aux fonctions de l'Ankou. C'est lui qui, sous la forme d'un personnage décharné, conduira la charrette de la mort qui vient emporter l'âme. Quand vous interrogez les paysans ou les pêcheurs, ils vous affirment tous avoir vu l'Ankou, mais souvent sous des apparences différentes. Tandis que les riverains de la presqu'île de Crozon le dépeignent comme un squelette lumineux, coiffé d'un chapeau et armé d'une faux, monté sur une rossinante tragique, sortant des gouffres de la mer pour accomplir sa besogne nocturne, les Morbihanais, suivant qu'ils habitent la côte, les landes ou les bois, lui donnent plusieurs formes. Tantôt la mort est un prêtre sans tête, d'autres fois un paysan, remarquable seulement par l'absence d'yeux et de nez. Au pays gallo, la mort aussi peut se présenter sous l'aspect d'une levrette blanche ou d'un cheval sauvage qui accourt de l'ombre pour suivre les passants attardés et leur annoncer un trépas prochain. Souvent, l'Ankou est accompagné d'aide, sorte de croque-mort. Dans ce cas, un Ankou, dressé sur une charrette à ridelle, conduit l'attelage de ses deux chevaux et ses funèbres compagnons chargent le trépassé qu'il a fauché. Dans le très intéressant volume qu'il a consacré à la légende de la mort, M. Anatole Le Braz rapporte un fait que j'ai vérifié pour le Morbihan. L'Ankou répugne aux routes neuves et bien entretenues. Aussi, les femmes et les poltrons attardés dans les hameaux ne voudraient-ils, pour rien au monde, traverser certains sentiers creux assombris par des sécos de chênes et des haies de mûriers ou d'épines blanches. Ils redoutent la mort qui, d'ailleurs en ce pays, se présente inopinément et sans bruit, tantôt en char et tantôt à pied. Tandis qu'au pays bas breton, la charrette de l'Ankou mène un tel tapage que son fracas emplit la nuit d'épouvante et avertit les veilleurs. Elle se glisse insidieusement chez les galops et, soit qu'elle prenne l'apparence d'un spectre, d'un animal, d'un attelage monté, toujours elle opère en silence. Parmi les signes avertisseurs de l'Ankou, on doit signaler la boule de feu qui se promène et vient se poser sur les hameaux, les vols de corbeaux et la façon dont ils crient au-dessus des maisons, l'oiseau de mer qui frappe du bec les vitres éclairées, le beuglement prolongé des bœufs quand il fait clair de lune, la chandelle de résine qu'on ne peut allumer, le feu qui s'éteint malgré qu'on l'entretienne, certains rêves et de petits malheurs domestiques, briser sa vaisselle, brûler son banc de lit, déchirer une image de piété, fendre deux paires de sabots dans la semaine, etc. Aussitôt la mort d'un parent annoncée aux voisins de la métairie, ceux-ci viennent veiller le corps. Si c'est un fermier, chef de famille qui est décédé, sa veuve, ses filles et ses proches revêtiront un costume de deuil qui se compose pour les hommes d'un large et long manteau noir ou brun à collet, souvent double et triple. Les femmes jettent sur leurs épaules des mantes ou des capots à bas volets dont le volant est cousu sur l'épaule. La première huitaine, elles garderont sur la tête le capuchon qui déborde sur le front et semble une sorte de cagoule. À Musilac et sans doute dans une bonne partie du Morbihan, on place le mort sur le banc du lit clos et on élève au-dessus de sa tête une sorte de chapelle avec des draps cloués aux grosses poutres du plafond. Cette sorte de banc catafalque est apprêtée avec solennité même dans les plus pauvres chaumières. Des fleurs et des objets de piété sont disposés autour du corps. Des invitations à la veillée funèbre sont immédiatement transmises par les gars qui montent leurs chevaux à cet effet et courent les chemins au galop. Lorsque l'on voit passer au crépuscule l'un de ces cavaliers, l'on peut être certain qu'il s'agit de quérir le recteur et les amis du moribond. Les veilleurs réunis au nombre d'une trentaine parfois prieront et interromperont leur chapelet pour s'assembler dans la salle voisine afin de boire du cidre en célébrant les mérites du trépassé. Si c'est une femme défunte, ses compagnes se tiendront auprès du reposoir, les gars un peu éloignés dans la vaste cheminée. Et plusieurs fois dans la nuit, entre deux bolées de cidre, les veilleurs prononceront la formule rituelle « Dweda Bardon » en anaon. Dieu pardonne aux défunts.